Chapitre 7e. En arrivant à Josselin, j'avoue que je ne suis point sans éprouver quelque embarras. L'Église a condamné ce livre, et Dieu me garde de ne pas m'incliner avec une sincérité complète devant une telle condamnation, qui est souverainement juste et légitime. Néanmoins, je ne puis pas ne pas admirer dans Josselin certaines beautés littéraires de premier ordre, et je dois impartialement les signaler à mes lecteurs. Mais il faut bien se dire que l'Église a condamné le fond et non pas la forme de ce poème. L'Église est mère, elle a le cœur large et grand, elle nous met en garde contre toutes les erreurs, mais ne nous défend d'admirer aucune beauté réelle. Cette pensée m'enlève toute incertitude et me tire de mon embarras. Josselin est un mauvais livre, un livre dangereux. Ô singulière variabilité de l'esprit humain, voilà un grand poète, un génie, qui vient d'écrire un livre presque pieux, Les Harmonies. Et c'est de cette même plume, tout à l'heure si religieuse, qu'il va se servir pour écrire un roman malsain, une œuvre antichrétienne. Que les chrétiens modérés méditent ce fait et en profitent. Il faut à l'homme des convictions rigoureuses, des croyances solides, des dogmes lucidement déterminés. Il lui faut une foi robuste, ardente, absolue. Sans quoi il fait comme M. de Lamartine. Il flotte à tout vent, il cède à toute influence, il ondule, il change, il tombe, il se relève pour tomber encore, il est tout à fait digne de pitié. Recueillons-nous donc, faisons un acte de foi et soyons des hommes. Le sujet de Josselin est trop connu pour qu'il soit ici nécessaire de faire subir à nos lecteurs un long résumé de ce récit poétique. Josselin est un jeune homme qui se dévoue pour assurer le mariage et l'avenir d'une sœur qu'il aime tendrement. Il entre au séminaire pour lui laisser toute l'intégrité de leur pauvre fortune. Mais la révolution éclate, terrible, et notre lévite est chassé par elle de son séminaire abandonné. Il se réfugie dans les Alpes, où il rencontre un adolescent, un enfant pour lequel il se prend soudain de la plus ardente affection. Cet enfant mystérieux était une jeune fille, et le malheureux Josselin ne s'en aperçoit que fort tard. Toutefois, il n'est pas encore engagé dans les ordres et peut épouser sa Lucille. Mais, ô douleur, son vieil évêque vient d'être condamné par le tribunal révolutionnaire et réclame pour mourir les secours spirituels de Josselin. Il a besoin d'un prêtre, et avec une étonnante rapidité, consacre Josselin, malgré lui, dans les ténèbres de sa prison. Quand il me releva de terre, j'étais prêtre. Il ne reste plus au nouveau prêtre qu'à abandonner résolument sa fiancée, et son cœur en est horriblement déchiré. Puis, il s'enfouit dans un village et s'y livre à tous les devoirs, à tous les sacrifices du ministère évangélique. Il verra Lucille une fois encore avant de mourir, mais ce sera pour lui fermer les portes de la vie et lui ouvrir celles du ciel. Le pauvre curé rentrera ensuite dans son presbytère pour n'en plus sortir, modèle vivant de toutes les vertus sacerdotales, ange de la terre, spectacle des élus. Il y mourra comme il a vécu, en saint. Est-ce à ce défaut de tact dont nous signalions tout à l'heure les excès qu'il faut attribuer les invraisemblances et surtout les énormités de ce singulier roman? Il est facile de s'apercevoir en le lisant que la seule imagination de M. de Lamartine était échauffée quand il écrivit Les Harmonies et que son cœur n'avait jamais été profondément chrétien. Un véritable chrétien attache à la vocation d'un prêtre une idée tellement auguste qu'il ne peut supposer un instant que cette vocation soit jamais déterminée par des considérations banales et mondaines, comme le mariage d'une sœur. Et ne valait-il pas mieux que la sœur de Josselin ne se mariât point, et que le héros de notre poème ne s'imaginât pas avoir une vocation aussi fantaisiste? Du dévouement, grand Dieu! Appeler de ce beau nom cet engagement dans les ordres sacrés, qui trouve sa récompense ici-bas, dans les consolations de l'autel et là-haut, dans les joies de l'éternité. Non, non, il ne faut pas avoir le sens chrétien pour se laisser séduire par de telles imaginations. D'ailleurs, M. de Lamartine montre bien qu'il ne possède même pas la notion du sacerdoce. Il ne connaît point cette grande chose, le prêtre. Quoi ? Cet évêque auquel le poète prête, du reste, un si magnifique langage, ce vieillard improvisant prêtre en 5 minutes, et pourquoi ? Parce qu'il a besoin de l'absolution. Ce serait odieux si ce n'était point ridicule et l'on pleurerait si l'on avait envie de rire. Puis, Quelle scène scabreuse que celle de cet amour suspect entre Jocelyn et cet enfant dont il ne peut dire elle qu'après tant de mois de séduction secrète et de luttes intimes. Comme tout cela est fait pour exciter sournoisement les sens, pour développer dans les jeunes cœurs ce qu'ils ont de moins pur, pour les jeter sur les pentes les plus périlleuses. L'Église, vous le voyez, devait condamner un tel livre. Reste la forme que nous avons la liberté de louer. Tout, cependant, n'y est pas digne d'éloge. Jocelyn a été écrit trop vite. C'est une ébauche plus qu'une œuvre achevée. C'est, comme on le disait au XVIIe siècle, un crayon. Les vers médiocres y abondent. L'harmonie y est parfois brisée et la langue souvent outragée. Mais ce qui me charme, c'est l'originalité de ce poème. C'est son agencement général. C'est le genre nouveau qu'il a créé, qu'il a introduit dans la littérature moderne. Jocelyn est ce que j'appellerais volontiers une épopée domestique. Dans tous les siècles passés, je ne lui trouve point de précédent, ni à plus forte raison, de modèle. Au siècle primitif, il appartient d'avoir de véritables épopées. Guerrières, politiques, nationales, telle est l'Iliade, telle est notre chanson de Roland. Le sens historique n'existe pas encore dans le cerveau des poètes. La légende triomphe. Mais aux époques civilisées, la véritable épopée n'a plus sa place marquée. C'est l'histoire qui la remplace. Certains poèmes artificiels tels que l'Énéide et la Henriade s'adressent alors à quelques rares esprits fort cultivés, mais ne sont réellement appelés à aucune popularité durable. La poésie narrative devra-t-elle abdiquer devant un tel état de choses? Devra-t-elle se retirer devant les envahissements de l'histoire ou du roman? Nous ne le croyons pas, et à coup sûr, Lamartine ne l'a point pensé. Il a été prendre par la main, non sans une certaine témérité, des personnages à peu près contemporains, appartenant aux classes les plus vulgaires, les plus nombreuses de notre société, vivant de notre vie, parlant notre langue, priant le même Dieu, traversant les mêmes obstacles et animés des mêmes espérances. Il n'a pas voulu d'autres héros, et les a jetés tout frémissants sur la scène de son poème. Puis, il a donné la parole à l'un d'eux, qui s'est mis à raconter poétiquement et simplement son histoire, laquelle s'est passée en quelque sorte sous nos yeux, au milieu des grands événements dont notre pays a été le théâtre. Laissez-moi dire bien haut que j'admire littérairement cette épopée nouvelle et qu'elle ne me laisse point insensible. Laissez-moi ajouter que c'est là la véritable poésie, naturelle, humaine, vivante. Vos tragédies et vos épopées factices du XVIIe et du XVIIIe siècle m'ennuient malgré moi. Ces êtres grecs ou romains que j'aperçois sur la scène, je ne les connais point. Ils ne parlent pas mon langage, n'ont pas ma religion, ne sont ni de mon pays, ni de ma société, ni de mon temps. Ont-ils du sang véritable et des muscles? On est quelquefois tenté de le mettre en doute. Ils appartiennent d'ailleurs à des races royales avec lesquelles mon petit sang bourgeois n'a rien de commun. Ils ne sont pas mes frères, ils ne sont pas mes pareils. Mais Jocelyn est bien mon semblable. Oui, je le reconnais, je l'ai vu. Tous ceux qui l'entourent, je les reconnais aussi. Ils ont ma nature, mon sang, ma vie. Hommes du XIXe siècle, ce qui me ravit dans les œuvres de mon temps, c'est qu'elles sont vivantes, actuelles, et doublement mes contemporaines. Tel est le caractère de toute notre littérature. Elle est les formules, la convention, la rhétorique. Elle pose nettement les questions, et les questions qu'elle pose sont les plus importantes du monde. Il arrive souvent qu'elle les résout de travers, mais elle ne les évite point. Et un chrétien doit lui savoir gré de sa sincérité, qui est entière, et de sa bonne volonté, qui est incontestable.